passion. Sans quoi sur instru on serait inexistant. Il appuie mon existence courbe donc sa caisse d'où acquise. Et qui ai-je cause éclose les fausses faces, excuse les torts que je cause. Rétorque-t-on avant de m'esquiver, c'est ce qu'il sait, pense-t-on est-ce qu'il sait. Admet que je suis admis dans le clan des ennemis. Admire comme j'adhère à force de dire de faire. Entre nous on s'inspire, on espère de l'espèce, y'a de l'espoir, on critique mais espire. Club pop je respire et je respire, place pisse. Rap seule source, vérité et bourse, héritier de pouce, néant et paranormal. Les mécrins du normal, nos conformels, mais créant et craignant, criant, écrivant, pour devenir écrivain. Strophe ayant écrivant, apostrophe, écrit vite, vif, envie de vivre pour le vin comme le vent. Et les vents qui viennent ici, c'est facile si c'est plus difficile pour prestige. Mais je l'assure les vestiges, 15 piges, et je vise assez haut pour donner vertige. Mais c'est figé, les gars avec qui je suis en belligérance, sans trop d'exagération. Des mots pour mes sauces et exaucer, je pèse, pose, je suis exposé, exposé. Jeune fougueux, la tête pleine rêve, excelle, surprise, she's sexy, l'excellent texte exaltant, exhaustif et révoltant, excelle, fugue percutant, t'arrives dans le rap et le culbute, les ténueurs, New Vanity, ce petit merde fou qu'on le botte. Jeune fougueux, la tête pleine rêve, excelle, surprise, she's sexy, l'excellent texte exaltant, exhaustif et révoltant, excelle, fugue percutant, t'arrives dans le rap et le culbute, les ténueurs, New Vanity, ce petit merde fou qu'on le botte.